Chapitre 3e, devant le juge. Donc, avec la plus grande assurance, l'illustre Perpignan se campe droit devant le bureau de M. Duranton. Négligemment, il ajuste au monocle étoilé et fixe le juge d'instruction. Le juge d'instruction relève sur son front ses grosses lunettes et regarde l'illustre Perpignan. Les deux hommes s'étudient, s'observent, avant d'engager la lutte, avant de prendre leur part dans l'éternel duel de la justice et du crime. M. Duranton enveloppe de son regard l'homme qui est devant lui. L'aspect de cet homme n'éveille pas dans son âme de magistrat les sentiments éprouvés au chevet du lit de cet autre criminel, le père Gervais. Le braconnier lui inspirait une grande pitié plutôt qu'il ne provoquait le besoin de faire parler la loi implacable. Mais à présent, il comprend qu'il tient là un misérable. Il sent le bandit. Ses minutes d'observation, de silence, commencent à peser lourdement sur les épaules de Bouchancœur. Les criminels, cet affect trop connu, ont peur de la nuit et du silence. L'illustre Perpignan cesse de sourire. Son arrogance fend. Il a besoin de voir le magistrat, impassible et muet, maintenant bouger et parler. Or, comme le magistrat conserve encore son immobilité, c'est lui qui rompt le silence, lui qui bouge le premier. Je vous présente mes hommages. En toute occasion, ce geste, ces mots, eussent fait éclater de rire l'auditoire. Mais M. Duranton, derrière son bureau de juge, ne souriait jamais. Il attendit encore quelques secondes, sans bouger, sans paraître avoir entendu la voix du banquiste, puis, lentement, froidement, il demanda. « Pouvez-vous me dire par quel hasard singulier vous trouviez précisément à la tilleuse au moment de l'incendie? Et par quel second hasard, aussi étonnant, on a découvert dans votre poche une montre appartenant au maître de la tilleuse ?» L'illustre Perpignan, dès cette première question, en deux points, comprit qu'il fallait jouer très serré, s'il voulait sortir de ce guépier. Il réfléchit encore quelques instants avant de répondre, et pour se donner une contenance, il se mit à jouer avec le large cordon, portant plusieurs nœuds de raccommodage, au bout duquel pendait son monocle étoilé. « Parlez, dit M. Duranton, nous vous écoutons. » Alors l'illustre Perpignan se campa sur une jambe, porta le buste en avant, esquissa la grimace qui servait de sourire à la bouche en cœur, et comme il s'y prenait quand il récitait, devant un public de choix, quelques monologues, il commença. « Monsieur le juge, n'ayant rien à cacher, n'éprouvant aucunement le besoin de mentir, je vais vous dire la vérité. Je vais tout vous dire. Voici. Mais soyez bref, lui commanda M. Duranton. Pas de phrases, des faits, rien que des faits. Avant de commencer mon récit, je me permettrai de vous faire remarquer, monsieur le juge, que je parle sans être accompagné, secondé par un avocat, ainsi que le veut la loi. Le juge Duranton l'interrompit. Cette observation, monsieur Perpignan, dit-il, nous prouve que vous connaissez bien la loi, et nous certifie que ce n'est pas la première fois que vous comparaissez devant un juge d'instruction. » L'illustre Perpignan encaissa la réplique, tout en en comprenant la valeur, et il se dit qu'il aurait bien mieux fait de ne pas parler de cela. « D'ailleurs, continua M. Duranton gravement, toujours d'après la loi que vous semblez invoquer, j'ai le droit de vous questionner sans avocat à votre côté, attendu que je commence une enquête, que j'instruis une affaire, et que je ne sais encore si vous êtes coupable ou innocent, si je vais vous relâcher dans quelques instants ou vous garder à la disposition de la justice. Cela dépendra uniquement des réponses que vous allez me faire maintenant. Vous tomberez sous le coup de la prévention ou vous y échapperez. C'est uniquement votre affaire. Si je vous relâche, ce que j'espère pour vous, la présence d'un avocat sera inutile. Et si je vous garde, vous aurez tout le temps et les moyens nécessaires pour prier le défenseur que vous aurez choisi de vous assister au cours des divers interrogatoires, confrontations et autres phases de l'instruction. Grave, solennel, M. Duranton conclut, ceci posé et entendu, veuillez répondre à mes questions. L'illustre Perpignan croyait, lui, bateleur parisien, avoir affaire à quelques bons juges de province qu'il roulerait facilement. Une fois encore, il comprit combien grande était son erreur. Il se décida cependant à jouer de son mieux le rôle qu'il s'était tracé. « Vous voyez, déclama-t-il, vous voyez devant vous un artiste, monsieur le juge, un illustre artiste, mais un simple et pur artiste, qui regagnait doucement Paris, la ville lumière, cet insigne capitale des arts. À pied ? Lui demanda M. Duranton. Généralement, les étoiles voyagent autrement. C'est vrai, monsieur le juge, mais les temps sont durs pour les arts. Il faut savoir se plier aux circonstances. C'est très sage, donc vous alliez à pied. Marchez. J'allais avec mon épouse. Une grande artiste également. Très grande artiste, monsieur le juge. Je m'en flatte. Vous en avez le droit. Où alliez-vous ainsi? De ville en ville, de village en village. De forêt en forêt. Car c'est dans un bois qu'on vous a pris. C'est la triste vérité. Qu'est-ce que vous faisiez sous bois? Vous ne comptiez pas donner une représentation aux arbres. Il y a bien des théâtres de verdure. Pas ici. Je m'en suis aperçu. Écoutez, monsieur le juge, nous étions venus à Mantes et espérions donner une représentation chez monsieur d'Anvel. Ça n'a pas réussi. Nous avons pris, je veux dire, mangé quelque chose, mon épouse et moi, et nous nous dirigeons vers une autre ville. Toujours à pied. À pied toujours. Nous grimpâmes la côte au sortir de Mantes. Savez-vous où conduisait cette côte que vous grimpâtes? À Magny en Vexin. Vous comptiez y arriver? Nous l'espérions. La promenade s'annonçait facile. Le pays est charmant, attrayant. Si bien que d'admiration en admiration, le temps passa. La nuit nous surprit. Et nous fûmes heureux de rencontrer un rendez-vous de chasse pour y trouver un abri. L'illustre Perpignan touchait au point délicat de l'interrogatoire. Jusqu'ici, tout semblait aller convenablement comme il le souhaitait. Il faut remarquer que Perpignan ne parla pas une seule fois de son ami Clouteau. Clouteau qu'il avait cependant abandonné. Clouteau, en somme, qui, comme toujours, s'était sauvé habilement, en le laissant tomber, lui, dans les mains de la justice. Clouteau, enfin, dont il se promettait naguère de se venger terriblement. Il gardait le silence sur Clouteau parce qu'il pensa atténuer les charges qui s'élevaient contre lui. À eux deux, Clouteau et lui, ils eussent pu parfaitement, aux yeux des magistrats, sembler capables des attentats qui, à Mantes-la-Jolie et dans la région, provoquaient une si forte émotion, tandis que seul, lui seul, M. Duranton se rendrait bien compte qu'il était presque, sinon tout à fait, innocent. Et puis il se souvenait de l'homme au flageolet. Bref, l'illustre Perpignan ne parla pas de Clouteau. Donc, mon épouse et moi, nous répétions, car vous savez que les plus grands acteurs ont besoin de répétition. Ensuite, venez au soir de l'incendie de la tilleuse. Voici, monsieur le juge. Entre deux répétitions, j'étais assis devant le pavillon, m'imprégnant de poésie champêtre et fumant une pipe, que nous aperçûmes les lueurs de l'incendie. Toutes les oreilles alors se tendirent. Jamais l'illustre Perpignan n'avait eu un auditoire plus attentif. Bouchancœur comprenait la gravité du moment. Son sort maintenant dépendait d'une parole. Alors l'illustre Perpignan, dirigé par son instinct, ne poursuivit pas à la légère. Il se méfia même de son imagination et pour être bien sûr de lui, il prit ce qu'au théâtre on appelle un temps. Puis il ajoute avec un large geste « Ici, monsieur le juge, je vous prie de m'écouter avec la plus grande attention. » « C'est ce que je fais, croyez-le bien, » affirma M. Duranton. « Oui, mais je vous adjure de vouloir bien tenir pour vrai, pour certaine, pour exacte. La déclaration que je vous fais, quelque singulière qu'au premier abord, elle vous paraisse. C'est entendu, continuez. » Je finissais donc ma pipe, à côté de mon épouse, parlant art, théâtre, musique, gymnastique, quand nous vîmes l'incendie. Vous l'avez dit, ensuite... La suite, monsieur le juge, c'est la vérité. Je vous le jure sur mon honneur, et si ce n'est pas assez, sur celui de mon épouse. La suite, c'est que mon épouse et moi, n'écoutant que notre courage, notre humanité, nous nous sommes précipités au secours des sinistrés. C'est parfait. Ainsi, vous déclarez que vous êtes accouru quand l'incendie commençait ses ravages. Oui, monsieur le juge. Vous affirmez n'avoir point, vous ou votre épouse, mis le feu à la ferme. L'illustre Perpignan eut un magnifique geste de défense. « Oh, monsieur le juge, que me dites-vous là? De quel crime abominable me supposez-vous capable, moi, mettre le feu, incendier une ferme? Je vous le demande, bien qu'en vérité, si cela était, vous ne le diriez pas. Cela n'est pas. Et d'ailleurs, messieurs, alors même que nous l'aurions voulu, nous n'aurions pas pu. Comment cela? Dans quel but, d'abord? Il n'y a pas de raison plausible, on ne brûle pas ainsi une ferme pour le bon plaisir. » Qu'est-ce que pouvait nous rapporter cet incendie? Rien, absolument rien. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons allumé, ce n'est pas moi. votre épouse, encore moins la pauvre chère femme. Ensuite, continuez. Et puis, messieurs, cette ferme n'était pas déserte. Elle était habitée, il y avait du monde. Des chiens qui auraient donné l'alarme. Et avant d'avoir pu seulement gagner jusqu'à la maison, on nous eut arrêtés, découverts. Il nous était impossible de mettre le feu. Nous sommes arrivés quand l'incendie avait fait à peu près toute son œuvre, quand on ne pouvait plus le maîtriser. Le magistrat posa cette question. « Bien. Vous déclarez n'avoir pu mettre le feu à la tilleuse, que quand vous êtes arrivé, l'incendie avait fait ses ravages. Cependant, vous n'hésitez pas à passer au milieu des flammes. Ceci est quelque peu invraisemblable. Cela est, cependant. Vous passez dans les flammes et vous n'êtes nullement brûlé. Illustre Perpignan, grand artiste, seriez-vous aussi une salamandre? Donnez-nous l'explication de ce phénomène. » Bien simple, le phénomène. Nous arrivons à la tilleuse pour prêter main forte pour seconder les sauveteurs. La salle du bas était pleine de flammes, de fumée. Mais cependant, avec un peu d'audace, de courage, dans ces moments-là, on ne réfléchit pas. Avec un peu d'énergie, on pouvait passer par l'escalier, qui était encore indemne, loin du feu, on pouvait gagner l'étage supérieur. C'est ce que vous avez fait. Quand nous sommes arrivés, là, nous avons vu, du moins, moi, j'ai vu, une femme, une paysanne, qui sortait de la maison, portant dans les bras un enfant. Hein? Vous avez vu cette femme, cette paysanne? Parfaitement, monsieur le juge. Pourquoi l'illustre Perpignan commettait-il ce mensonge? Uniquement pour se dégager plus tard. Ne sachant pas ce qu'était devenue la belle bourbonnaise, Bouche-en-Cœur voulait, dans le cas où on l'arrêterait, ou s'il était arrêté déjà, pouvoir dire qu'il ignorait le vol de l'enfant, qu'il avait lui le premier été dupe du déguisement de son épouse, par là même être dégagé de toute accusation de complicité. Il reprit. « Oui, j'ai vu cette personne emporter un enfant et traverser la salle du bas, cependant pleine de flammes et de fumée. J'ai pensé que du moment qu'une femme passait, je pouvais moi aussi affronter le danger. J'ai cru que d'autres personnes se trouvaient en haut, que je devais leur porter secours. Je suis à ce moment entré dans la maison. Je me suis dit que les habitants de la ferme, surpris dans leur sommeil par la fumée, par les émanations, étaient engourdis, et qu'il fallait les arracher à l'asphyxie. Je suis alors monté. Mais dans les chambres du haut, il n'y avait personne, je n'y ai rien vu. Sauf cette montre que vous avez prise. » L'illustre Perpignan répondit. Sans moi, elle eût été infailliblement détruite dans l'incendie. J'ai pensé que cette montre n'avait pas grande valeur et j'ai voulu la conserver comme souvenir. Fort bien. Donc, vous reconnaissez l'avoir prise chez M. Porfilet. J'ignorais le nom. Peu importe. La tilleuse, pendant l'incendie. Perpignan, ne pouvant nier le fait, s'inclina. M. Duranton lui demanda alors brusquement « Connaissez-vous le calvaire ?»« Le Golgotha ?» fit Bouche-en-Cœur. « Dont on parle dans la Bible ?»« Non, le calvaire qui se trouve dans le bois de Fontenay. » L'illustre Perpignan fit tout son possible pour demeurer maître de lui, pour ne pas broncher, pas tressaillir, n'avoir aucun mouvement nerveux, aucun geste réflexe qui pût trahir son émotion. « Parfaitement, monsieur le juge, » répondit-il. « Je connais le calvaire du bois de Fontenay. J'y suis passé en effet deux fois. La première, en quittant Mantes avec mon épouse, en allant vers le pavillon de chasse. Quelle heure était-il ? L'heure ? Il me serait bien difficile de la préciser. Je n'ai pas fait attention à ce détail, qui pour nous n'avait aucune importance. Cependant, vous devez vous rappeler s'il était jour encore ou si la nuit tombait déjà. Il était jour encore. D'ailleurs, si c'est absolument nécessaire d'établir l'heure à peu près exactement, c'est un somme assez facile. Comment cela? M. Danvel, l'aubergiste, peut dire à peu près à quelle heure je me trouvais chez lui. Ensuite, on établira le temps qu'il faut pour gagner le bois, le calvaire et le pavillon de chasse. Faisait-il nuit? Pas encore. Nous ne pouvions nous engager de nuit dans un bois que nous ne connaissions pas. Nous sommes arrivés au pavillon de chasse quand le jour finissait à peine. Et il nous fut même donné d'admirer un coucher de soleil superbe. « Bien, dit le juge, mais après avoir admiré ce coucher de soleil, n'avez-vous pas? Les artistes ont toutes les fantaisies. Eu l'idée de voir aussi un lever de lune sous bois? Ce qui veut dire que vous êtes revenus, vous et votre épouse, sur la route vers le calvaire au milieu de la nuit. Non, monsieur le juge, non. Nous n'avons pas quitté le pavillon. Bien. La seconde fois que vous avez vu le calvaire, quand était-ce? Quand le garde me conduisit auprès de vous. Le garde ne vous a rien dit en passant devant le calvaire? Rien qui m'ait frappé, tout au moins. et bien devant le calvaire, on a trouvé, quelques heures après votre passage à Mantes, le comte de Saint-Rion assassiné. L'illustre Perpignan, cette fois malgré son empire sur lui-même, ne put s'empêcher de tressaillir. Mais habile et retors, il exagéra ce tressaillement. « Oh ! Assassiné ! Le comte de Saint-Rion, devant le calvaire ! Vous ne saviez rien de cela. Comment l'aurais-je appris ? De plusieurs manières. » L'illustre Perpignan alors fut admirable comédien. En face du péril, cet homme se surpassait. Il trouvait en lui des ressources inespérées, insoupçonnées. « Oh, monsieur le juge ! » s'écria-t-il, feignant la plus sincère, la plus profonde indignation. « J'ai peur de comprendre ce que signifient vos paroles. Que comprenez-vous ? Vous m'accusez peut-être d'avoir commis ce crime affreux, cet attentat odieux. Vous pensez que j'ai pu assassiner le comte de Saint-Rion ? » Et se frappant la poitrine, il s'écria « Moi, assassin ! Moi, moi, assassin ! Est-il possible que j'entende cela ? Est-il possible que ce soupçon épouvantable me puisse atteindre ? Oh, mais c'est affreux ! Mais c'est effroyable ! » Comme si une sueur d'indignation perlait à son front, il s'épongea la tête. Certes, l'illustre Perpignan avait chaud, oh, très chaud, en ce moment. Il avait des gouttes de sueur, non aux tempes seulement, mais aussi le long de l'échine. Et ce n'étaient pas des perles d'indignation, mais ce qu'en langage vulgaire on appelle la suède de l'angoisse, la rosée de la peur, car il tremblait de peur, d'épouvante, l'illustre Perpignan. Cependant, résolu à se défendre, à vendre chèrement sa peau, Bouchancœur fit encore un gros effort sur lui-même. Après avoir épongé une dernière fois sa face ruisselante, ses lèvres blêmes, il reprit d'une voix maintenant attristée, profonde. « Ah, monsieur le juge, dans quel abîme venez de me jeter ? Dans quel précipice vous me poussez ? Je suis passé sur un chemin près d'un calvaire. Là, c'est commis un crime. Et dans votre idée, vous me croyez coupable. La suspicion est logique. Il ne peut en être autrement. Vous me tenez, et sur moi vous découvrez une montre que j'ai prise, mettons le mot, que j'ai volée, dans une maison en flammes. Vous vous dites ? L'homme qui a pu se rendre coupable d'un vol dans de telles conditions peut tout aussi bien avoir commis un crime. Pourquoi pas, en effet. Bouchancœur s'arrêta un court moment, puis reprit. Maintenant, me voilà devant vous, sous le poids de cette présomption atroce, et je n'ai pas le moyen de vous convaincre de mon innocence. Certes, je le reconnais, les preuves sont contre moi. Des preuves morales, toutefois, que je ne puis combattre par rien. Je ne puis vous donner ma parole pour me défendre. Et ma parole ne vaut ici que le cas que vous voudrez en faire. Elle n'a que la valeur que vous lui attribuerez. C'est à votre loyauté, monsieur le juge, c'est à votre conscience que je fais appel. Et voilà que seul, sans appui, sans preuve en ma faveur, sans moyen de justification, je suis obligé de demander à mon juge d'être mon défendeur. » Alors véhément, l'illustre Perpignan ajouta. « Ah, monsieur le juge, oui, je le confesse, j'ai eu une minute de faiblesse. J'ai vu cette montre, qu'elle allait être perdue, je l'ai prise. J'ai volé, je l'avoue. » « Vous ne pouvez faire autrement, » insinua monsieur Duranton. « Mais je proteste, de toutes mes forces, contre la seconde et terrible accusation qui tombe sur ma tête et m'écrase. Je proteste. Je n'ai pas assassiné le comte de Saint-Rion. Je n'ai pas tué. Je suis un artiste, moi. J'ai volé, oui, mais je ne suis pas un assassin. Non, non, je ne suis pas un assassin. » Bouchancœur acheva dans un énorme sanglot, et comme sans force, il se laissa choir sur une chaise. Cette scène, admirablement jouée, ne fut pas sans causer quelque émotion chez M. Duranton. Mais cependant ne lui démontra pas l'innocence du prévenu. D'ailleurs, elle mit fin à son interrogatoire. « C'est bien, dit le juge. Vous n'avez rien d'autre à ajouter ?»« Oh, dit l'illustre Perpignan, comme dernier argument. Oh, monsieur le juge, que puis-je dire pour vous convaincre ? Vous prouvez mon innocence. Tenez, punissez-moi pour vol, gardez-moi en prison, gardez-moi jusqu'à ce que vous ayez trouvé le coupable. » Parfait. Dit M. Duranton, avec une grave ironie. « Il sera fait comme vous le désirez, je vous garde. » Rapidement, il traça quelques mots sur une feuille de papier qu'il tendit au gendarme. « Tenez, voici l'ordre d'écrou de M. Perpignan. » Bouchancœur, à ces mots, voyant le papier et sentant sur son épaule la main rude du gendarme, comprit qu'il n'avait pas encore gagné la partie, au contraire. Laissant tomber son bagout de batteleur, sa jactance de cabot forain. Il suivit le gendarme sans songer à saluer M. Duranton, sans surtout lui dire au revoir, et sans même penser à ajuster son lorgnon. Quand, quelques instants plus tard, la porte du cachot se referma sur lui, accablé, il se dit « Ça y est, si maintenant Clouteau est le maître invisible, le grand et puissant Zigomard ne me tire pas de là, je suis flambé. » De son côté, M. Duranton discuta de l'affaire avec le substitut M. Romantin. « Rien ne prouve encore, dit le juge, la culpabilité de cet homme. Il a volé la montre, c'est entendu, mais a-t-il aussi assassiné le comte de Saint-Rion ? Oh ! Puis M. Romantin, il me paraît bien de taille à commettre un crime, sans doute. Mais on a le braconnier que les gardes ont arrêté, qui lui a tiré le coup de fusil, la cartouche à chevrotine. Le père Gerbet, pour qui connaît le braconnier, déclara M. Romantin, ce crime paraît impossible. Cependant, les preuves sont là. Oui, oui, je le sais. Et c'est bien ces preuves qui me désorientent. Il nous faudra admettre que Gervais et cet homme ont commis ce crime ensemble. Cela peut être. Le crime commis, les gardes en intervenant ont empêché le partage du butin que Gervais emporta seul. Cela me semble bien peu probable. Cette association du braconnier et de ce singulier illustre artiste me paraît plus qu'étrange, impossible. De notre côté, comment le vieux braconnier a-t-il pu se trouver en possession de l'argent et de ses papiers ? De même, nous ne voyons pas clairement le rôle que vient de jouer dans cette affaire l'illustre Perpignan. Tout cela, en effet, est bien embrouillé. « Je vous l'ai dit, » s'écria M. Duranton, « je crois que pour essayer de nous en sortir, nous devons avant tout savoir si ces deux hommes se connaissent, se sont associés, on puisse entendre. »« Oui, monsieur le juge, cela est absolument indispensable. Donc nous allons les mettre en présence l'un de l'autre. Nous allons le confronter. » Cette confrontation eut lieu le lendemain. On amena l'illustre Perpignan dans la chambre où le vieux Gervais était gardé. Bouchancœur fut conduit jusqu'au bord du lit du braconnier, bien mis en lumière. Le père Gerbet se tenait tourné du côté du mur. Il ne dormait pas, mais demeurait immobile, la jambe dans son appareil lourd, et restait insensible à tout ce qui se passait autour de lui. « Gervais, lui dit M. Duranton, tournez-vous. » Les infirmiers, les aides-chirurgiens lui soulevèrent la tête afin qu'il pût mieux voir celui qu'on amenait devant lui. « Reconnaissez-vous cet homme ?» Le vieux braconnier porta le regard sur Bouchancœur. Il l'examina longuement, attentivement. Ce fut une minute terrible, la plus épouvantable minute, quand son existence mouvementée eut vécu l'illustre Perpignan. Il sentait quelle importance allait avoir la déclaration de cet homme. Oh, lui, Bouchancœur, qui avait assisté, caché dans son fourré avec Clouteau, à la poursuite du braconnier fuyant les gardes, à la chute du malheureux blessé, aux scènes qui suivirent, lui, il reconnaissait fort bien Gervais. Il se pouvait de même que Gervais, dont il sentait le regard d'acier le pénétrer, le reconnut aussi. Effaré, anxieux, respirant à peine, Bouchancœur attendait son sort qu'allait prononcer Gervais. Sa déclaration serait son arrêt. Le braconnier tenait ses yeux rivés aux yeux de l'artiste. Bouchancœur eut cette poignante sensation que le braconnier le reconnaissait. Il n'en pouvait douter, et il se crut perdu. Au bout d'une minute qui parut à Bouchancœur plus longue qu'une heure de supplice continu. Gervais haussa les épaules et répondit lentement « Non, je ne reconnais pas cet homme. » Bouchancœur respira, se sentit revivre. Il eut un geste d'une ampleur magnifique. « Eh, messieurs, s'écria-t-il, vous le voyez bien que je ne suis pas coupable. » Le juge Duranton demanda encore au braconnier « Vous n'avez jamais vu cet homme ?»« Non, jamais. » Il se tourna de nouveau vers le mur pour endurer, farouche, sa souffrance, se laissant aller au destin inexorable, comme si déjà il n'appartenait plus à ce monde. Si tout ce qui pouvait arriver désormais, quel que fût le rôle qu'on lui prêta dans ce drame, ne le touchait en rien. Bouchancœur débordait de joie. Il sentait son cœur bondir de reconnaissance pour cet homme. Il eût voulu le remercier, lui sauter au cou. Mais par prudence, il devait se contenir, ne rien manifester de ses sentiments. Il se contenta de mettre son chapeau de forme un peu sur l'oreille en triomphateur et d'ajuster son monocle étoilé. Cependant, quand on le ramena dans sa prison, il se dit « Maintenant, je suis tranquille. Ils ont le coupable. C'est lui qui sera condamné. Moi, pour avoir chipé la montre, je m'en tirerai peut-être avec quelques mois de prison. Une misère. » Gervais, à ma place, laissa sa tête dans cette affaire. Et se frottant les mains « Allons » fit-il, L'illustre Perpignan aura encore de beaux jours.